Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن كمس aujourd'hui بإذن الله جل وعلا في دراسة هذا الكتاب المهم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى avec l'explication de العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المسمى بالقول السديد ومثل هذه الدروس في التوحيد c'est une ni'ma min ni'am Allah azza wa jal خاصة في هذا العصر l'étude de هذا العلم العظيم الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون on a été créé que pour ça, chaque être humain, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Enfin, étudier هذا التوحيد et ces différentes catégories, والتفاصيل, des مسائل qui sont liées à ce توحيد, les choses qui font augmenter ce توحيد, les choses qui font diminuer ou qui annulent complètement هذا التوحيد, عياذا بالله, من الشرك الأكبر, l'étude de tous ces points خاصةً à notre époque, comme قلنا, cette époque التي كثر فيها الشرك والإلحاد et كثير من أعداء الله سبحانه وتعالى يحاربون هذا التوحيد إما directement, إما indirectement وكذلك يحاربون علماء التوحيد les savants qui propagent ce توحيد comme شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجميع الأعداء من الملل الكفرية والفرق الضالة كسس واليهود والنصارى أو من ينتسب إلى هذه الأمة كالجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال كلهم ils sont tous d'accord pour combattre هذا الإمام لماذا؟ لأنه il a fait revivre Il a propagé هذا النور أي توحيد الله سبحانه وتعالى enfin, nos efforts, nos forces on doit les mettre في هذا on doit apprendre ce توحيد le comprendre le mettre en application le propager بقدر الاستطاعة chacun selon ses capacités والمهم هنا c'est une دراسة أي une étude approfondie pas que des lectures vagues ou survoler le sujet là on vit à une époque il y a des fitaines on vit à une époque il y a beaucoup de choubah ou ahl al-kufr ou al-zanadika kadhalik yajtahidoun layl nahar pour nous enlever هذه النعمة نعمة التوحيد فلهذا on a choisi de étudier ensemble هذا الكتاب النافع في الحقيقة هذا الكتاب كما يقول بعض أهل العلم ça suffit pas de l'étudier une fois ou de l'enseigner une fois ce kitab régulièrement on doit revenir à ce livre imma pour l'enseigner pour celui qui a le qudra imma pour le réviser imma pour l'apprendre par cœur لماذا لأنه ce livre il renferme le sujet le plus important التوحيد والعلماء depuis l'époque de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah l'auteur du livre jusqu'à aujourd'hui وهم يعتنون بهذا الكتاب بهذا المتن ils donnent beaucoup d'importance à العلماء à ce متن حفظا ودراسة ومراجعة ودعوة ils le propagent لماذا لأنه المؤلف رحمة الله عليه في الحقيقة وفق توفيقا عظيما الله سبحانه وتعالى لا وفق d'écrire مثل هذا الكتاب مختصر très très simple قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم avec des fawaid mukhtasara à la fin al-masail at-talib walillahi alhamd il apprend هذا التوحيد de la manière la plus simple فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Avant de commencer نقرأ بعض كلام الأئمة sur ce livre page numéro 7 de cette tab'a. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله وهو من أحفاد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. C'est un des petits-fils de Cheikh al-Islam. Et il a écrit un charh qui est très célèbre عند طلبة العلم المسمى بفتح المجيد. Et c'est من أحسن الشروح. قال جمع على اختصاره خيرا كثيرا أي هذا المد جمع على اختصاره مع أنه لغزمي لكن في الحقيقة يغنفرم بوكو دو بيان وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله هذا المتن كون رأي تجي انصامل هذا الكتاب سيبور approfondir, détailler ce sujet à Tawhid et le comprendre. Et كذلك, c'est pour étudier ce qui contredit هذا التوحيد, الشرك بالله. إما qui le contredit complètement, الشرك الأكبر, Cheikh al-Islam il a cité des chapitres, la sorcellerie, sacrifier pour autre qu'Allah, adorer autre qu'Allah, il a akhiré, ou qui diminue هذا التوحيد. Il l'annule pas complètement, لكن ça fait baisser الإيمان كيسير الرياء كيسير الرياء إلى آخره qu'on verra ensemble إن شاء الله. وقال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز dans la page suivante رحمة الله عليه أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها. On doit profiter de ce genre de نصائح, ce genre de conseils des imams de la sunna. Cheikh Abdel Aziz rahmatullah alayhi, c'est un imam min a'immat as-sunna à cette époque. Fa awsa talabat al-ilm, il a conseillé ses frères min talabat al-ilm de donner de l'importance au Coran et à la sunna, hifdhan wa tilawatan wa tadabburan. L'insan il fait des efforts et il perd pas son temps fil qil wal qal et il suit pas les gens fi ma hum fi من اللعب والله والضياع. لا المسلم son temps il est précieux. السني يعرف قدر الوقت. Il sait que هذا الوقت, ces jours qui défilent الآن, c'est notre vie. Et c'est sur ça qu'on sera jugé, la غير. Allez, هذا ce moment الآن qu'on vit. والله أعلم jusqu'à quand. On doit en profiter pour apprendre la chose la plus importante, sans négliger ce qu'on a besoin min ad-dunya. Lakin, le but, l'objectif principal, c'est hada. Et on ne doit pas oublier. Et on rentre fi qil wa qal wa niqashat wa dhaya' au nom du din. Et on délaisse l'essentiel. Fait comme min an-nas, ils perdent leur temps sur internet ou autre. L'an, iyadun billah. Et aslul usul, le fondement principal. دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام elle est fondée sur هذا, sur ce tawhid que Cheikh al-Islam il a expliqué بهذا المت كم من الناس ضياع الليل نهار نقاشات أخذ ورد إلى آخره et هذا الأصل ils l'ont pas compris. لماذا ils l'ont pas compris? Parce qu'ils n'ont pas donné du temps. فمثل هذه الكتب il faut du temps. فلهذا نحن on a dit c'est pas une simple lecture, tu survoles pas le sujet pour celui qui ne maîtrise pas la langue arabe. Il faut qu'il étudie et il essaie de comprendre, de faire des efforts dans la langue arabe. S'il ne comprend pas la langue arabe, fait dans les deux langues comme on va faire ensemble, il arrive à comprendre l'essentiel. Ça demande du temps. On conseille à tous nos frères d'apprendre par cœur du début à la fin, il est très simple. Comme on a conseillé les frères sans apprendre le masail. celui qui les apprend. L'essentiel, c'est le titre et l'adilla que Cheikhul Islam il a cité, rahimahullah. ثم المسائل في الحقيقة c'est ce qu'on va retirer du cours. فهذا بإذن الله tu vas le comprendre avec dirasa. Tout le monde est concerné. Et celui qui se met à l'écart au départ, le shaitan yuharib talabat al-ilm, et il fait croire à certains, ana je peux pas. Kitab al-Tawhid, c'est un livre, il est assez long. Et في الحقيقة il est مختصر, titane, c'est quelques pages. لكن البعض ils s'affaiblissent. Ils se démotivent eux-mêmes au départ. Ka'annahu, il ne peut pas. Ya akhi, commence. Et si tu as appris la moitié, alhamdulillah. Si tu as appris quelques chapitres et tu ne peux pas, tu as fait ton maximum, alhamdulillah. La'allah, ce que tu as appris par cœur, ça va t'ouvrir des portes pour apprendre autre chose. Ou la'allah, ce que tu as appris par cœur, tu vas le mettre en pratique et ça sera la cause. Najatuk, yawm al-qiyamah. Que tu seras sauvé, yawm al-qiyamah. Enfin, on ne doit pas négliger al-khayr. On ne doit pas négliger. As-Sahaba radiyallahu anhum, il faisait beaucoup d'efforts, et chacun selon sa capacité. قال الشيخ بن باز رحمه الله لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة. هذه العقيدة, si on prend cet exemple, notre livre, كتاب التوحيد. ففي الحقيقة القرآن الكريم كله توحيد. كما قال الإمام ابن القيم. القرآن الكريم كله توحيد. مثل هذه المتون. Ces petits livrets, que ce soit de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou qablahu, al-Imam ibn Taymiyyah, ou gairuhum. Al-Haqiqa, c'est une khulasa, il te résume. Il te cite des versets et il te résume. Avec un titre, avec des masa'il, avec une fa'ida. Fa'anta wa lillahi l-hamd, en étudiant ce genre de matn, de livret, fa'al-Haqiqa, tu étudies al-Kitab wa sunnah. Fa'a ne pas faire l'erreur. Que certains y font, anhum ils se consacrent qu'au hifd, ou qu'à la langue arabe, et ils délaissent هذا الأصل العظيم, هذا c'est un خطأ. Amma les enfants, نعم. Un enfant qui ne comprend pas encore ces مسائل, et ولله الحمد, il a une ذاكرة طيبة, حفظ قوي, هذا son père ou son responsable ou son professeur, il l'encourage à apprendre par cœur. Et بإذن الله عز وجل, viendra un temps où il étudiera. إن وفقه الله عز وجل لماذا لأنه لا pas les capacités de comprendre هذا il apprend par cœur il apprend القرآن par cœur ثم s'il peut apprendre الصحيح أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو ça dépend de sa capacité المهم il se consacre à l'apprentissage par cœur أما واحد c'est un adulte et ربما il a du mal في الحفظ et il se consacre qu'au حفظ. Et il délaisse al-wajib, il délaisse al-asl, al-anbiya, alayhim al-salatu al-salam, comme ça yati ma'ana, incha'Allah ta'ala, annahum, ils ont appelé à hada al-tawhid, c'est une obligation pour tout le monde. Wa illa, va ma'ada testavid min hifd. Ou, tu as appris la langue arabe. On qadr wahed, il a appris le Coran ou il a appris la langue arabe, et il contredit son tawhid. Limada li annahu, il a pas appris hadi al-aqida, ma'ada sayestavid. Il ne va rien gagner. Amma wahed qui est à la tawhid, qui a appris le tawhid, il a une aqida qawiyya, fahala tawhid, bi'idnillahi azza wa jal, il va le pousser à apprendre le Coran, li'annahu c'est kalamullah, c'est une ibad azima. Kadhalik, il va le pousser à faire des efforts, à apprendre la langue arabe, li'madha li'annahu, il voudra élargir ses connaissances, fi tawhid, en revenant directement aux savants, ou à leurs livres, ou à leurs audios, avec la langue arabe. On ne doit pas délaisser l'asl. Comme les gens, ils ont voulu se consacrer qu'à la langue arabe et ils ont appris cette langue rubbama inda ahli al-bid'a wal ahwa thumma rubbama ils ont délaissé sunna et ils donnent aucune importance au tawhid li anna ahli al-bid'a en général ils donnent aucune importance au tawhid. Ceux qui donnent de l'importance au tawhid c'est ahli sunna as-salafiyun, c'est eux qui donnent de l'importance à hadha al-bab al-azim. Amma ghayruhum wa imma dunya imma c'est des passions عياذ بالله. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالعناية بهذا المتن. المدرس ne peut pas apprendre à ta place. المدرس le professeur il t'aide. Il essaye de te faire comprendre, de te faciliter la chose. Amma l'apprentissage par cœur, la révision, la régularité, fahada, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite et fais des efforts. Même si tu as une baisse, un jour ou une semaine ou à un moment de l'étude de ce livre, reprends-toi. Et fais des efforts, et c'est très simple. Wallahi alhamd. Et fait le haqiqa pour al-mu'min as-sunni, c'est un plaisir d'étudier mithl hadhihi al-kutub. Faqat c'est mujarrad nasiha wa tadhkira. Voilà, nous طيل في المقدمه. أما la biographie de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, on l'avait faite en détail la première fois qu'on avait étudié ce livre مع بعض الإخوان. Et on l'a propagé pour celui qui veut l'écouter. Wa illa fa, le premier bab que Cheikh al-Islam il a cité fil haqiqa, c'est iwara an muqaddima. C'est comme une introduction. Waqi à l'introduction de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di fil haqiqa, il a cité des fondements tayyiba wa taqaddamat ma'ana qariban fi dirasati usul as-sunnah de l'imam Ahmed. Fa, on passe directement au premier bab. Et le premier bab, c'est ibara an muqaddima, c'est comme une introduction. Amma, celui qui veut lire, et on conseille à nos frères de lire la muqaddima de Cheikh Sa'di rahimahullah à partir de la page 31 dans notre livre, il a résumé aqidat as-salaf, aïf as-sifat wa kadhalika ma yata'alaq bil yawm al-akhir, ma yata'alaq bil tawhid, et tout ce qu'on a vu fi usul as-sunnah. بقي منهج الدراسة. Comment on va étudier ce livre ensemble? Cheikh Sa'di rahimahullah, dans ce charh, il ne va pas expliquer al-matn mot par mot. Là, contrairement à certains shurah, مثلاً Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, dans son charh al-qawl al-mufid, et c'est un charh nafi' jiddan. Ahwa rahmatullah alayhi, il explique pratiquement tous les mots, les versets, et كذلك يتوسع فيما يتعلق باللغه الى اخره. الشيخ الفوزان كذلك في اعانه المستفيد كذلك الى رزمه في الملخص. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد كذلك. اما الشيخ سعدي رحمه الله il cite le bab, ثم il donne une explication générale. فنحن on a choisi هذا الشرح. لماذا؟ لأنه إلي مختصر أولا. ثانيا الشيخ سعدي رحمه الله إلى regroupé beaucoup de فوائد avec un calme simple, ça nous facilitera. Et par rapport au verset, et c'est ça qui est important, et au hadith, لأن, pour vous donner un aperçu général, مثلا ce premier chapitre كتاب التوحيد, c'est un titre que Cheikh al-Islam rahimahullah il a écrit pour son premier chapitre. C'est comme une introduction. Kitab al-Tawhid. Thumma, en dessous de ce titre, il a cité quelques versets. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ila akhirih. Thumma, après avoir cité 4 ou 5 versets, il a cité hadith ibn Mas'ud et hadith Mu'ad radiyallahu anhuma. Fa nahnu, on va citer, on va lire ensemble le premier verset, thumma, et c'est essentiel huna, de savoir pourquoi Cheikh al-Islam il a cité ce verset huna. Ay, en d'autres mots, le lien entre le verset et le chapitre. Mathalan kitab al-tawhid, c'est le chapitre. Qawluhu azza wa jal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pourquoi il l'a cité huna et faire le lien entre le verset et le chapitre? Ça c'est muhim. Et c'est ça le but de ce kitab. Faliyada, on conseille les frères de l'apprendre par cœur et de se concentrer et faire des efforts dans les doros. Hatta ce que tu as appris par cœur, tu sauras l'explication du verset. Le lien entre ce verset et At-Tawhid. Kadhalik, on fera la même chose, Inch'Allah, avec les ahadith. Et kadhalik, le lien entre l'abwab. Ça c'est muhim. Les annashaykh al-Islam, rahimahullah, khasatan au départ, Anahu, il cite tel chapitre, thumma il cite un chapitre juste après, et vous verrez qu'il y a un lien. Et on citera ensemble كلام أهل العلم بإذن الله عز وجل. Et pourquoi il a cité ce chapitre après celui-là? Vous verrez qu'il y a un lien. وستستفيد إن شاء الله. Et on citera كذلك des autres فوائد. Et quand on étudiera ensemble un chapitre où il y a un tafsil à faire, ou qu'il y a des taqsim, ou qu'il y a un hukm, إن شاء الله on expliquera ce hukm. مثلا باب الرياء. Il y a un tafsil. Quand est-ce que c'est du shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Quand est-ce que c'est du shirk asghar, ça fait pas sortir de l'islam. Al-hukm, il a akhri. Hada, inshaAllah ta'ala, quand ça sera des abwab ou qu'il y a un hukm ou un tafsil, on citera kalam ahl al-ilm. Wa ba'd al-ikhwan sa'alu an al-maraji', ay des livres de référence fi hada, ay fi les explications de kitab tawhid. Fa afdal al-shuruh wa ahsanuha, c'est Fathu al-Majid, le shaykh al-islam. عبد الرحمن بن حسن رحمه الله le petit fils de Cheikh al-Islam. هذا c'est من أحسن الشروح. تيسير العزيز الحميد كذلك لشيخ سليمان un petit fils كذلك de Cheikh al-Islam. Il l'a pas terminé. وإلا فسيتي un شرح طيب لكن il a pas pu le finir. Et الشيخ عبد الرحمن رحمه الله استفاد منه et il l'a fini. ففتح المجيد c'est devenu la référence. كذلك on peut citer le قول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله c'est une référence. كذلك إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان il est طيب. كذلك الملخص للشيخ صالح الفوزان وهذا il est طيب. لماذا؟ لأنه إلى غزم وسنستفيد منه إن شاء الله تعالى sur ما يتعلق بمناسبة الآيات والأحاديث. Et d'autres, Chourouh, Cheikh Ibn Baz, Rahmatullah alayhi, كذلك, il a un charh, Cheikh Salih al-Sheikh, il a un charh, Tayyib, Al-Tamhid, et كثير من أهل العلم الآن, la plupart des savants, ils ont expliqué هذا الكتاب. Al-Muhim, celui qui veut quelques références, le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, et Al-Mulakhaz de Cheikh Al-Bouzan, Alhamdulillah, et celui qui peut acheter d'autres Chourouh, Tayyib. Amma Fath al-Majid, ربما فيه شيء من الصعوبة pour ceux qui maîtrisent pas la langue arabe لكن الحمد لله مع الوقت ça viendra ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. Donc le premier chapitre il l'a appelé رحمة الله عليه كتاب التوحيد. وكما قلنا عبارة عن مقدمة والشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه quand on va lire son شرح il va détailler ما يتعلق بالتوحيد. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص ومناسبة الآية للباب. أي pourquoi شيخ الإسلام رحمه الله il a cité ce verset هنا أي dans ce chapitre التوحيد. قال حفظه الله ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. نعم أنها تدل على وجوب التوحيد. Ce verset nous montre que هذا التوحيد c'est une obligation. بل c'est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé جميع الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس أي Allah il a créé les djinn والإنس أي les êtres humains إلا ليعبدون. Et on a déjà cité une faïda مع بعض الإخوان أن الأمر بالعبادة في القرآن الكريم أمر بالتوحيد كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. Quand tu as في القرآن الكريم un ordre d'adorer Allah سبحانه وتعالى اعلم أن هذا الدليل c'est un دليل في التوحيد. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل لا تصح إلا بالتوحيد. أما une عبادة qui est faite pour autre qu'Allah elle n'est pas acceptée عز وجل. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الأصول الثلاثة. Donc ce verset il a cité huna pour te montrer l'obligation du tawhid. Tout le monde est concerné. Al-jinn wal-ins. Tout le monde doit appliquer hada tawhid. Et vous verrez dans d'autres abwab la récompense de ceux qui appliquent hada tawhid et le châtiment de ceux qui délaissent hada tawhid. ثم قال رحمه الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. deuxième verset. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص إلى ست المناسبة أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. le premier verset il te montre l'obligation du tawhid. le deuxième il te montre que هذا التوحيد c'était la da'wa de tous les prophètes et de tous ceux qui les suivent. فنحن ولله الحمد نحب الأنبياء والرسل on les aime عليهم الصلاة والسلام c'est nos modèles. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Si on les aime et c'est nos modèles, on doit les suivre dans la chose la plus importante, التوحيد. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Dans chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un rasoul. مثلاً, pour tout le monde, في الحقيقة, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tout le monde. لكن, Ibrahim, c'était pour son peuple. Moussa, c'était pour son peuple. Isa, c'était pour son peuple. Chaque peuple, il a reçu un messager. ثم, le dernier des messagers, c'est pour tout le monde. Al-Ins wal-Jin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé à ماذا? أَنِ عُبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاعُوتِ. عبادة الله adorer Allah سبحانه وتعالى et s'écarter du طاغوت. والطاغوت c'est كل ما يعبد من دون الله. tout ce qui est adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى c'est un طاغوت. bien sûr إذا رضي بذلك. أما s'il est adoré et il est contre مثلا النصارى ils adorent عيسى ففي هذا الحال c'est هم الظلال. أما celui qui est adoré في هذا الحال فسي نبي سي رسول. فالطاغوت سي الشرك بالله عز وجل. pour te simplifier هنا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد الطاغوت مشتق من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد. الطاغوت ça vient du mot طغيان. والطغيان c'est le fait de dépasser les limites. فلهذا شيخ ابن عثيمين il a cité قول الله عز وجل إِنَّ الْمَاءِ إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. قوله عز وجل طغى الماء أي quand l'eau elle a débordé أي quand un fleuve il sort de son lit il dépasse les limites. En langue arabe tu dis طغى الماء. فالطاغوت c'est quelque chose qui dépasse ses limites. فسي il appelle à être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dépassé les limites. لماذا? لأنه c'est une créature et les créatures ils doivent tous adorer le créateur. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأجمع ما قيل في تعريفه وما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ومراده من كان راضيا بذلك. c'est cette précision qu'on a fait. c'est pour ça qu'on a cité كلام شيخ ابن عثيمين. أن ابن القيم رحمه الله لا سيدي هذا الكلام في الأصول الثلاث أو شيخ الإسلام لا سيدي في المد. أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده أو حده أي سيكونت عبد يتباس لليميت في ماذا إما في متبوع donc quelqu'un qui suit il le place au-dessus de sa place أو معبود عياذا بالله il adore autre qu'Allah أو مطاع il obéit à autre qu'Allah فيما حرم الله. فسي هذا الإنسان عياذا بالله il appelle à ces choses à être adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى dans notre exemple نحن في التوحيد فسي un طاغوت. فشاك نبي شاك رسول ils ont appelé leur قوم à adorer Allah seul et à s'écarter du طاغوت. فالمناسبة elle est واضحة. on répète كلام شيخ الفوزان أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل. نحن ولله الحمد on aime الرسل et on doit les suivre. enfin la première chose dans laquelle on doit les suivre التوحيد faire des efforts في هذا. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات. Dans certains matn, il cite que shahid min al-aya. Dans d'autres moutoun, il cite le verset complètement ou avec un autre verset. فنحن إن شاء الله تعالى نقتصر على الشاهد. Ce verset, قال الشيخ الفوزان حفظه الله في المناسبة أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. تأملوا الفيرسي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر. ففي الحقيقة ce verset te montre أن توحيد الله c'est le حق le plus important. فلهذا الله سبحانه وتعالى il a cité هذا الحق ثم il a cité un autre حق qui est très très important, حقوق الوالدين, le droit des parents. Et ça te montre l'importance de هذا الحق لأنه il est cité juste après le tawhid. فالتوحيد c'est أعظم الحقوق, c'est le droit le plus important, c'est حق الله على العبيد, على العباد. Allah il a un droit sur ses serviteurs كما سيأتي معنا إن شاء الله من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه. C'est l'obligation la plus importante et c'est le droit le plus important. الدليل قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ça te montre que tu n'as pas le droit d'adorer autre. Même s'il a une menzila azima. Même si c'est un nabi, même si c'est un rasoul, même si c'est un malak min al-malaika, même si c'est un salih, on n'a pas le droit de l'adorer. On adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wal-anbiya wal-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie à leur peuple pour leur montrer هذا الحق العظيم. فلهذا نحن doit faire des efforts pour apprendre هذا الحق et كذلك l'instruire à nos enfants, l'enseigner à nos proches. دعوة الرسول c'est هذه. بعض الناس دائما ils appellent حقوق, حقوق الإنسان, حقوق المرأة, حقوق الكافر. Ils appellent à ces حقوق et ils laissent أعظم حق, حق الله سبحانه وتعالى. وهذا الحق ça sera ça le ميزان. Celui qui respecte et qui applique هذا الحق التوحيد نحبه et on le rapproche ونواليه لله. Celui qui délaisse هذا الحق ou qui combat هذا الحق فنبغضه في الله عز وجل et on l'éloigne. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أي par rapport à هذا الأصل العظيم التوحيد. الميزان, on juge les gens par rapport à ce أصل لا غير, pas par rapport à la couleur, pas par rapport à l'âge. Là, on le juge par rapport à هذا التوحيد. من حقق هذا التوحيد فسي un مؤمن مسلم. وسلوي كي contredit هذا التوحيد كليا فسي un كافر, سي un مشرك. ثم قال رحمه الله وقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرها. هذه الآية على واضحة. Pourquoi Cheikh al-Islam il l'a cité? لأنها elle te montre حقيقة التوحيد. C'est quoi le tawhid? C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. كذلك, ce verset, il nous met en garde contre ce qui contredit هذا التوحيد, الشرك. Cheikh al-Islam, رحمه الله, il va citer un bab في الشرك. Et on détaillera هناك ما يتعلق بالشرك. لكن, أفاد هنا شيخ البوزان حفظه الله أن قوله شيئا سانغلوب توت لي كراتور. فأون دو أدوري الله سبحانه وتعالى السل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع. Que ce soit un ملك, que ce soit un رسول, que ce soit un صالح, que ce soit un proche, فلا يجوز عبادته. لماذا؟ لأن العبادة حق لله عز وجل وحده. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. Que lui. هذه c'est une qaïda. Et c'est ça le معنى لا إله إلا الله. Chaque mu'min il prononce هذه الكلمة. Chaque mu'min il aime cette كلمة. Chaque mu'min il doit savoir أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ça. معنى هذه الآية وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et on détaillera ما يتعلق بالتوحيد إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. ثم قال رحمه الله قل قوله وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات من سورة الأنعام. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité plusieurs muharramat, et awwalan, il a cité le péché le plus grave. Allah tushriku bihi shay'a. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidahullah, fil mulakhas, munasabatu al-aya lil-bab, anna Allah subhanahu dhakara fiha jumalan min al-muharramat, ibtada'aha bin-nahi 'an ash-shirk. والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى il a cité plusieurs محرمات et il a cité le péché le plus grave au départ, الشرك. كذلك cette interdiction الشرك ça te montre que التوحيد c'est obligatoire. لأن الله s'il a interdit الشرك لماذا؟ لأنه il a rendu obligatoire التوحيد. الشرك ça contredit التوحيد. فلهذا شيخ الإسلام il a cité ce verset pour te montrer à l'interdiction du shirk, ça montre que tawhid c'est obligatoire. قال حفظه الله والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Ce verset te montre أن الشرك c'est le plus grave des péchés. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. Il a répondu le premier grand péché, le plus grave, qala al-ishraku billah. Donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, qala al-mu'allif rahimahullah, qala ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, allati alayha خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. C'est ça دين الرسول. C'est ça المنهج المستقيم. صراط الله سبحانه وتعالى. لا تغسل إسكارت الشرك. أما ما يتعلق بالآية فتقدم معنا. ثم قال وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. أما حديث ابن مسعود تفرد به الترمذي وقال حديث حسن قال بينما ضعف إسناده الإمام الألباني في ضعيف سنن الترمذي. نعم حديث ابن مسعود بعض العلماء ضعفوه. أما حديث معاذ رضي الله عنه فإلى في الصحيحين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الآية للباب أو الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. سو حديث شيخ الإسلام لا سيتي pour te montrer c'est quoi هذا الحق. تقدم معنا في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذه الآية المنضي حقوق عظيمة وقلنا أن أعظم الحقوق سي حق الله. Il est expliqué dans ce verset comme il est expliqué dans le verset ألا تعبدوا إلا إياه. Et في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا سي تفسير التوحيد. Si on te demande c'est quoi At-Tawhid, bi absat ibara wa anfa' ibara, kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ibada, لله عز وجل أن قال أن يعبدوه أي وحده ولا يشركوا به شيئا. C'est ça التوحيد. Adorer Allah سبحانه وتعالى seul et s'écarter du shirk. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله c'est كلمة التوحيد. Comprendre son sens c'est مهم. Et avec ces versets qu'on a cités, qu'on a lus, min kalam Sheikh al-Islam, rahimahullah, et ces hadiths, tu as l'explication de هذه الشهادة العظيمة. الركن الأول من أركان الإسلام. لا يصح الإسلام أو إسلام المرء إلا بهذه الشهادة نطقا وعملا. Et pour l'appliquer, il faut la comprendre. C'est ça, notre din, il est fondé sur هذا, sur التوحيد. Notre din, il y a des piliers. أركان الإسلام. Et le premier ركن, c'est un ركن في التوحيد. Et en الحقيقة, هذا الكتاب qu'on va étudier ensemble, tous ces abois, il a cité une soixantaine de chapitres, un peu plus de 60 chapitres, rahmatullah alayhi. Al-haqiqa, c'est une explication de la ilaha illallah. Wa dhahab al-waqt, on lira l'explication de al-allama Sheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, dans le dars de jeudi, incha'Allah ta'ala. Révisez, apprenez al-bab pour les frères qui peuvent, et on conseille à tout le monde de le faire. Et au début de chaque dars, le frère ou les frères qui veulent réciter, Inch'Allah, ils réciteront. Et après, Inch'Allah, on continue. On essaiera de prendre un bab par cours. Et à la fin, il y a des petits abwab, Inch'Allah, on en prendra plusieurs.